J'ai beau me forcer, éduquer mes rêves, il me manque, tu le sais, le baiser de tes lèvres. Pourquoi, dites-moi, je n'olivier pleure, si de l'olivier sans joie, trois cigales meurent. Pourquoi attendre que tombe la nuit pour en être l'étoile? Si l'étoile à midi à ce désir d'aimer et de briller ainsi, plus brillante que jamais. Et pourquoi dans les jours ne ressemble-t-il pas aux nuits? Mon rêve fait le tour et semble tout transi. Par où est mon amour s'il n'est pas là au lit? La nuit a décrit autour de tes seins de disques sans bruit qui me lentent mes mains et ton corps qui frémit comme un jour de toussaint. Renferme mes cris dans l'un de mes poings. Tu ressembles à la nuit quand les oiseaux se taisent, quand l'ombre des grands cris agonise dans la braise. Nébuleuse, je te cherche dans ces miroirs qui meurent. Quelque part en éclair où s'estompent les lueurs. C'est ton ombre qui fait que je te sais présente. Les ombres, tu le sais, sont des mémoires savantes. Je délire autour et tu m'écoutes dire le jour qui vient trop tôt te fera repartir. La nuit qui nous rassemble anime les objets. Un tête à marche, le silence en secret.